Mais laisse-nous, pas le temps de t'écouter, mais laisse-nous. On te met de côté, mais laisse-nous. Avec toutes tes conneries, pas le temps d'en perdre la nuit. Je te dis, et puis c'est tout, mais laisse-nous. Pas le temps de t'écouter, mais laisse-nous. On te met de côté, mais laisse-nous. Avec toutes tes conneries, pas le temps d'en perdre la nuit. Je te dis, et puis c'est tout. À trois broyés, tu finis broyé. Tu fais pas le poids à force de brailler, ça peut défrailler. Refrais t'es pas le roi, tu croyais quoi que ton quartier était le mieux pour toi, ou que t'étais la teuté que l'on côtoie, ou le dernier soldat. Tu croyais, mais ne fallait pas. Tu ne voyais donc pas que tu n'étais pas taillé pour le combat. Une guerrière d'en bas, le cœur accroché à tes couilles. Le jeune te parle, ça fait boum, je veux t'entrecracher ses douilles. Les boys battent sont loin du rap, mais comme d'hab les bidons jactent, les petits qu'on jacte. Mais bon, tous trois claques et plus personne répond, les psychopathes. Je pas que les gars qui pètent les plombs, frelons, ça fait du pif et du pilon. Du pif, mais la prison te prive de kiff et l'horizon de suite, t'as cette raison de vivre. Environ 6 mecs sur 10 finissent 100 millions et sans pif, sans poufias ni ton pérignon. Mais laisse-nous, pas le temps de t'écouter, mais laisse-nous. On te met de côté, mais laisse-nous. Avec toutes tes conneries, pas le temps d'en perdre la niche, je te dis, et puis c'est tout, mais laisse-nous. Pas le temps de t'écouter, mais laisse-nous. On te met de côté, mais laisse-nous. Avec toutes tes conneries, c'est pas le temps d'en faire la nuit, je dis, ok, c'est ça fait longtemps, j'écoute plus les boss et toute leur balivernes. Dehors les filles sont froides, les gars sont chauds car ils aiment pas l'hiver. J'ai plus de rythme et de temps, c'est que j'ai plus de rime dans le sens, c'est que j'ai plus de fric, de bif et d'argent. Comme ils disent pas que le rap c'est simple comme un coup de fil. Allez, je m'arrache et je m'évade tout comme l'a fait Scofield. Moi, j'ai jamais compris aucun message, mais sache que je m'arrête jamais même pas à ton passage. Seuls les miens comptent et les autres rien à foutre. Petit conseil, fais pas le show, surtout si tu n'as rien à foutre. Insulte-moi l'ami, dans tous les cas, je dors. Moi, je rêve d'une fille, tout comme Nicole, des poussies 4 dolls. Ok, ouais. Oh. Man, de pire en pire, et ça depuis des siècles. Le malheur fait des siennes, change beaucoup de sièges. Donc je rappe, ouais, je pose, marche en la si je pèse. Mes fils fait du son de merde, alors c'est normal que je paie. Qui aime bien, qui sert bien, t'auras de la qualité, mais viens jamais dans les hautes scènes. Sans Z calibré, toujours la même direction, changement d'itinéraire. Baiser les traites, je te jure, je sais le faire. Ben, je te fais la course, c'est pour ensuite te faire l'amour. Paie-moi du whisky, coca dans ma gourde. Lucifer m'a pris sous son aile, te pète la poire dans un hall. Force un star, le rap c'est franc, le contrôle. Mais laisse-nous, pas le temps de t'écouter, mais laisse-nous. On te met de côté, mais laisse-nous. Avec toutes tes conneries, pas le temps d'en perdre la niche. Je te dis, et puis c'est tout, mais laisse-nous. Pas le temps de t'écouter, mais laisse-nous. On te met de côté, mais laisse-nous. Avec toutes tes conneries, c'est pas le temps d'en perdre la niche. Je te dis, et puis c'est tout. Violent depuis Bloodsport, mais j'ai pas de Glock, j'porte d'Air Force mort. T'as sorti à mon tableau de bord. On veut se baigner dans des baignoires de champagne. Nos espoirs sont dans le standard, c'est noir, je la sens pas, putain. C'est terrible, terrible, on tourne en rond comme ce putain de périphérique. Esquive les cons et les coups des beaux-pères hystériques. À mes risques et périls dans le son, faire des sous avant que je périsse, chérie. Tu connais le théorème, ils parlent mal sur ton dos, ils sont tous sur ta co. Quand t'es au reps, porter du Dior Gucci, non, c'est pas le genre d'ici. Faire du genre art, du chiffre, c'est pour ça que j'en ai. Pas le temps de t'écouter, mais laisse-nous. On te met de côté, mais laisse-nous. Avec toutes tes conneries, pas le temps d'en perdre la niche. Je te dis, et puis c'est tout, mais laisse-nous. Pas le temps de t'écouter, mais laisse-nous. On te met de côté, mais laisse-nous. Avec toutes tes conneries, pas le temps d'en perdre la niche. Je te dis, et puis c'est tout.